tout de suite sur France Culture du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, Variation sur la beauté, une série documentaire d'Élise Andrieux, réalisée par Diffie Mariani. Au départ de cette série, il y a un éblouissement, une étrange sensation de bien-être et des questions. À quel point est-ce que le beau peut faire du bien? Pourquoi les jambes se dérobent? Pourquoi le souffle se coupe? Pourquoi la respiration s'accélère? Pourquoi cette courbe, cette fleur, cette couleur, cette mélodie, ce paysage, cet édifice? Mais aussi, comment elle côtoie la laideur et à partir de quand la laideur devient belle? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un petit repli secret dans lequel la beauté finit par se cacher. Alors pour commencer, les personnages, une iconographe délicate, une mère et sa fille main dans la main, des adultes qui se moquent, un jeune homme qui vacille, une femme amoureuse, un père amputé et un homme dont le visage change encore. Ensuite le décor, 5 orteils et 5 doigts, des grains de beauté, la belle bête et la belle, une chanson entonnée à deux, des pas dans l'herbe sèche, des contes de fées, des miroirs qu'on évite, des princesses dans des tours et jamais trop d'amour. Aujourd'hui, 3e épisode, mais comment sera ce bébé? Je me caresse le ventre du côté de chaque hanche en fait. Je caresse quelque chose dans mon ventre, ça c'est sûr et certain. Je sais pas ce que c'est pour l'instant, on n'a pas encore le sexe, on va le savoir dans 15 jours. Donc c'est le bébé. J'arrive à me dire quand je le vois. Quand il y a une échographie, oui. Voilà, voilà. Alors, voilà l'utérus. Et un petit lapin qui bouge à l'intérieur. Hop là, vous voyez ? Il est en pleine forme. Je sais que je suis enceinte, puisque ça bouge, mais... On va le prendre dans sa plus grande longueur. Il faut qu'il se mette bien droit. Je suis pas prête, voilà, encore. Voilà. Bien coco, là. Et youp, là, il est joli. Et on le mesure tête-fesse. Voilà, je fais 6,6 cm. Ça lui fait un petit 2 mois et demi. Imprimé. Voilà, et voilà. Ensuite, on va lui chercher la nuque, la fameuse. Alors, qu'est-ce qu'un enfant comme les autres, déjà ? Moi, j'essaye de l'imaginer normal. Une tête bien formée, deux yeux bien ouverts, un nez au milieu du visage. Le nez, le voilà. Mais il me faut la nuque aussi. Bien. Bien, me regarder, petit lapin. Eh bien. Et il est parfait. La première image que j'ai, c'est si c'est une fille, bah que elle ait des cheveux à la naissance. Moi, j'ai une couleur de cheveux différente, mais du coup, moi, dans la cour d'école, toutes mes copines étaient blondes ou brunes, et rien que ça, c'était compliqué, parce que je sais que physiquement, je ressemblais pas à la norme. Là, on a 5 doigts. Hein. Quand on ne se sent pas accepté ou quand on ne se sent pas désiré par rapport à une certaine norme, pardon. Et on voit bien son cerveau à l'intérieur. C'est difficile d'avancer dans la vie. L'espèce de moustache, ce n'est pas une moustache. En fait, c'est son palais qu'on voit, très blanc. Et vous, qui vous a dit que vous étiez belle quand vous étiez petite ? Petite, je ne sais pas. Alors là, je ne saurais absolument pas le dire. Je ne sais pas. Vos parents vous disaient pas que vous étiez belle ? Non. Quand j'étais petite, non. Là, demain, ça va. Même tes oreilles, vous voyez, là ? une oreille là et une oreille là. C'est craquant, les petits biceps, là, regardez. Et puis on va te laisser dormir après. Hein. Hop là. Beauté cachée. Tu es plus beau que tu n'oses le croire. Et si la plus grande des beautés se cachait là où nous ne voyons qu'un corps différent ? On peut très vite avoir peur du différent. Et si la plus belle des beautés se trouvait dans la force de ceux qui, chaque jour, doivent affronter le regard des gens qui se détournent d'eux ? Et beaucoup de gens ont peur des personnes avec un handicap. La première réaction, ils ne savent pas comment contenir ces réactions. Enfin, c'est la même chose, pourquoi pendant des siècles on enfermait les personnes avec un handicap ? On avait peur d'eux. Donc c'est un très long chemin pour voir la beauté intérieure de l'autre. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez déjà ressenti ça ? Oh mon Dieu, oui. On a toujours peur de l'autre différent qui me fait révéler mon ignorance. Jean Vanier est canadien et vit aujourd'hui en France. Il a fondé l'Arche, une communauté qui recueille des personnes jugées trop différentes ou porteuses de handicap. Au contact de ceux qui sont rejetés, Jean Vanier nous guide là où se trouve, à tous les âges, la beauté cachée. Qu'est-ce que tu dessines ? En fait, je dessine une fleur et un soleil, et puis après, la fleur, elle s'agrandit. Et je peux dessiner de la pluie comme ça, elle s'arrondit. J'aime bien les fleurs. Des roses. Et les lilas. Quand je suis heureuse, bah, je pense à dessiner. Ça va heureuse quand je dessine. Comment tu t'appelles ? Lougène. J'ai 7 ans et demi. Je me dessine, j'ai les cheveux noirs. J'ai des grains de beauté marron. Et marron très foncé. Je suis comme ça. Je ne suis pas contagieuse. Et puis voilà. Je suis née comme ça et je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Tu es née avec plein de grains de beauté. Oui. J'en ai partout, j'en ai sur le corps, partout, sur les jambes, sur les pieds, partout. Et j'ai terminé mon dessin. Il y a des gens qui ont peur d'attraper tes grains de beauté ? Oui, très très peur. On se moque de moi toujours, dans la rue, quand je vais quelque part. Ils me regardent, disent que qu'est-ce que t'as des boutons, tu t'es pas bien lavé et tout ça. J'aime pas quand ils me disent des trucs comme ça parce que ça me fait après je suis triste. Après, je commence à être en colère. Tu te fâches ? Oui. Pas à crier, mais à parler fort. Après, quand ils comprennent pas, et ben, je crie de plus en plus. Après, ils vont comprendre, c'est sûr, parce que Je ne souhaite pas de faire comme ça aux gens. Toi, tu t'es déjà moqué de quelqu'un ? Non, jamais. Jamais eu envie. Non. Et à ton école, qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils me disent rien parce que c'est mes amis. Tu as beaucoup de copains et de copines ? Oui. J'en ai 7. Il y en a une qui s'appelle Léna, il y en a une qui s'appelle Lila, Yona, Tigida, Inès. Et je me rappelle plus. C'est l'heure pour vous d'aller chercher votre deuxième fille ? Non, pas encore, je vais vous faire le café. Oh, c'est beau. Merci. Je m'appelle Anan et je suis la maman de la petite Lujane, qui est née avec un effusion congénitale et c'est une malformation pigmentaire de la peau qui représente en fait un handicap esthétique. Et chez Lujane, il représente 90% de corps. On peut le voir sur son visage, ses bras, ses mains et bien sûr sur le dos, pratiquement tout noir sur poitrine et des gros satellites sur les cuisses, les jambes, les pieds et aussi la tête. En fait, c'est un petit peu de partout. Il y en a qui sont épais, il y en a qui sont poilus, il y en a qui sont avec des petits boutons, des petits grains beautés. C'est vraiment qu'il est taché. Et ses grains beautés, en fait, ce névus, il grandit avec elle. En fait, bah, ma chambre, elle est peinte. Elle a plein de jouets. Et ça, c'est quoi ? C'est ma poupée. Comment elle s'appelle ? Belle. Je l'ai ramenée quand j'étais à l'hôpital parce que j'avais trop peur qu'il me fasse du mal. Alors je l'ai pris. En fait, elle a rencontré une bête. C'était un prince et après ils sont tombés amoureux et après quand ils sont tombés amoureux après tout à la fin en fait il est redevenu prince parce que c'était un prince la bête. Et comment Belle elle a fait pour tomber amoureuse de la bête? Elle a aimé parce que la bête elle était très très belle. La bête, elle était très belle ? Oui. Ah oui ? Oui. Donc, elle est tombée amoureuse. Quand j'ai vu Lujane, c'était ma fille, c'était mon bébé, ma princesse, avec ses grands beautés. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassée et après, on est rentré à la maison. C'était difficile, bien sûr, c'était très difficile de répondre aux gens, aux regards qui étaient bizarres, de leur dire que c'était rien, parce que nous aussi, on comprenait pas. Autant que parents, nous, on était très, très mal à l'aise, parce que les gens, ils avaient peur, et nous, on n'avait pas envie d'expliquer. Des fois, moi, ça m'arrivait avant. J'étais un peu agressive avec les gens, parce que J'acceptais pas ce qu'ils disaient ou leur regard bizarre. Les gens ne jugent. C'est quelque chose d'inconnu qu'ils n'ont jamais vu. On avait perdu aussi les amis qui avaient peur et du coup, ben, on se trouvait vraiment seul. Ce qui fait mal, c'est vraiment que les adultes qui se moquent. Parce que les enfants, même s'ils peuvent dire « Oh, c'est du chocolat, c'est ou de la varicelle, ou les boutons, ou plein de choses », c'est des enfants. Mais de sortir des mots qui blessent des grands, des adultes, ça c'est vraiment que je trouve c'est injuste. Par exemple, un jour, on avait une dame qui lui a interdit de jouer avec le petit chien. Elle était un petit peu petite parce qu'il avait peur que le chien attrape la maladie de l'Eugène. On va dire que c'était grâce et à cause de Lougen que j'ai changé en fait mon regard. Un jour, dans le parc, il y avait une fête pour les enfants et il avait entendu la musique et du coup, il voulait descendre pour jouer et pour danser. Et moi, je l'ai mis entre les enfants qu'ils ne la connaissent pas. Et alors, les enfants, à chaque fois, ils tiraient les mains, ils avaient peur. Et à chaque fois, je refais, et c'était la même chose. Et après, je suis partie voir les parents et leur dire, leur expliquer. Il y en a qui ont compris, il y en a qui comprennent pas. Quand je tourne le dos, ils disaient aux enfants, ne va pas jouer avec elle. Ne va pas jouer avec elle. À chaque fois, j'explique, mais c'était tellement dur. Et après, il ne voulait plus et il se trouve toute seule à regarder. Mais personne ne veut de moi, personne ne veut de moi. Et c'était tellement triste que j'étais en train de pleurer. Il est venu me voir, il m'a dit « Maman, c'est à cause de moi que tu pleures ». Et là, je me suis dit « Ben non, on arrête. Là, c'est pas bien, là. » Pourquoi ces gens-là, ils vont gâcher notre vie? Pourquoi? Elle a le droit d'être comme les autres enfants, et il a le droit de jouer, y aller à l'école, faire tout les autres enfants font. Et pourquoi de la juger comme elle est quelque chose de bizarre? Je me suis dit que maintenant, il faut qu'on vit notre vie. Plus comme avant de dire « je prends les choses et après je reste dans mon coin » et de dire « mais pourquoi nous, pourquoi non, non ?» Tiens, tu reviens. Tu peux? Tiens, tu peux m'emmener ça? Merci. Tu reviens, je te donne encore. La beauté, c'est dans le sourire, c'est dans le regard, même si la peau est déformée. Mais ce qui ça jaillit d'elle va être sa parole, sa souffrance. Elle va éveiller quelque chose en toi qui va faire que tu es touché et tu découvres derrière ce qui peut paraître pas très beau, tu vas découvrir son cœur, son soif d'être aimé. Et c'est ça ce qui fait la beauté. La beauté, c'est Lougen. C'est son intérieur, c'est ses cheveux, c'est ce beau cheveu, c'est son beau sourire, c'est ses yeux qui brillent, pétillantes, d'une petite fille qui adore vivre, qui a la joie de vivre. C'est ça la beauté pour moi. Ce soir, je sais pas, va voir. T'as pas une idée? Non. Et moi, je trouve que c'est tellement beau d'être avec Lujain. Ça marche les guides. Pourquoi t'as fermé Parce les yeux? Regarde. Ouh là là. Viens par là. Bonjour. Alors, comment ça va, cette crème? Bah, elle est encore gonflée. Elle est encore gonflée, ouais. Mm-hmm. Bah, ça, c'est normal, un petit peu. T'as mis la crème? Oui. Les fils, tu les as mangés, ça y est? Il en reste encore. Ok, ça marche. T'as rien à rentrer ta lèvre ou pas? Mm. Ouais. Donc ça, faut bien continuer tant qu'il y a la croûte, d'accord? C'est hyper important. Comme la lèvre est en dehors, elle sèche, d'accord? Donc, faut bien mettre ce baume réparateur de lèvres, c'est hyper important, d'accord? Et 3, 4, 5 fois par jour. Et ça dure, en gros, tu vois, ça va se rétracter sur 3 mois. Ok. Ok. C'est impressionnant, hein, quand même, quand la partie de la lèvre... ouais, entre les cloques, là, au début, puis... Tout ça, en fait, ça va cicatriser, tranquillement, la croûte va tomber. Le reste, ça a déjà cicatrisé, il y a juste cette zone-là à faire cicatriser, puis après, ça se rétracte et ça rentre. Donc là, ce qui est noir doit disparaître comme le reste... Exactement. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais ça va tomber, en fait. Oui, oui, ça va se faire. Ouais, là... Exactement. Mmh. Okay. Mais j'insiste beaucoup, vraiment, il faut vraiment bien mettre ce baume 3-4 fois par jour, c'est hyper important. Parce que comme la lèvre est dehors, tout sèche. Voilà, ça c'est pour le cicatrisateur. Donc je suis le docteur Frédéric Zazurka, et en fait je suis praticien attaché des hôpitaux, en fait, et donc j'exerce au sein de l'hôpital Necker, dans le service du professeur Picard, qui est un service de chirurgie maxillofaciale et plastique, et on s'occupe d'enfants, en fait, qui ont eu des malformations congénitales ou des traumatismes, c'est assez varié. Donc nous on essaie de gommer un petit peu ces différences, mais aussi on leur apprend à vivre avec ça. Les enfants sont durs entre eux à l'école, donc c'est vrai que voilà, c'est pas facile quoi, d'être parfois différent. Et ça, c'est la façon dont on se regarde et dont on perçoit les autres. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui viennent vous voir pour des petites anomalies, où pour eux c'est hyper handicapant, hyper important, c'est traumatisant et tout, puis vous avez des enfants qui ont des malformations gravissimes, qui le vivent très bien et pour lesquels c'est jamais un problème. Ça vient d'où alors ça? C'est une force psychologique de certains enfants, et puis aussi de l'environnement familial. Les parents influent, vous pensez beaucoup dans le regard que l'enfant a pour lui? Je pense pas, je suis sûr. Si toute la journée vous dites à votre enfant, tu as ci, tu as ça, tu as une différence, bah forcément l'enfant l'intègre. Si dans la famille, ils vivent normalement avec cette différence, pour l'enfant, ça n'est plus une différence, c'est normal. Donc il l'intègre beaucoup plus facilement. Donc l'environnement familial est très important, ça c'est sûr. A priori, si tout ce qui est ressorti, vous dites que ça doit revenir à l'intérieur, il ne reste pas grand-chose de la lèvre. Enfin, ça me paraît... Non mais, c'est une façon de parler, mais c'est... Le fait que ça soit sorti, c'est uniquement un phénomène d'œdème. Le plus important à gérer, c'est pas l'œdème, c'est ça. C'est la petite croûte qu'il y a. D'accord. Mais le fait que ça soit gonflé, tout ça, c'est purement chirurgical, et ça va disparaître. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Ok. Bon, très bien. Dans un On mois. On fait alors. Comme ça okay, merci. Allez, rentrez. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Qu'est-ce que se passe là? Tu peux m'excuser une minute? Oui. Ça, c'est une sonnerie. Je crois que je vois. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quel âge, Jean Vanier ? 88. 2 ans avant 90. Et on m'a toujours dit 90, c'est vieux. On passe. On passe. Depuis que j'ai commencé à l'Arche, ici, il y a beaucoup de gens hyper fragiles, hyper blessés, qui ont des visages blessés. Vous trouvez des gens qui, apparemment, sont pas beaux, qui sont en colère. Qu'est-ce que c'est l'Arche ? Qu'est-ce que l'Arche ? C'est un lieu où on accueille des gens qui ont été mis de côté, quelques-uns ont de très lourds handicaps, et on vit ensemble. Ici, on avait accueilli une femme, c'était dans l'année 72 ou quelque chose comme ça, elle s'appelait Pauline, elle avait hémiplégique, un bras paralysé, une jambe paralysée, une intelligence qui avait été affectée par la maladie, mais ce qui la caractérisait, c'était sa violence. C'était une femme qui hurlait, se jetait par terre. Et on avait un très bon psychiatre ici, on lui a demandé quelle était la façon de l'aider. Et puis il a dit, vous savez, elle a passé 40 ans d'humiliation. « T'es débile, t'es handicapé, tu vaux rien, tais-toi, tu ne te connais pas. » Enfin, elle n'était pas appréciée dans sa famille. À l'école, ça ne marchait pas, elle était toujours au plus bas. Dans les rues, on se moquait d'elle. Et puis elle avait pris son corps en haine. Alors, notre psychiatre, Errol, disait, « Mais son cri, ses violences, c'est un cri. » Est-ce que quelqu'un veut de moi ? Est-ce que quelqu'un peut devenir mon ami ? C'est ça. Donc, toute la question, c'est ne pas faire des choses pour elle, mais progressivement entrer en relation avec elle. Faire les repas ensemble. On avait des ateliers ici, mais elle n'aimait pas travailler. Donc, c'était pas ça. Mais elle aimait la fête. Et puis il fallait qu'elle achète ses habits, qu'elle achète les parfums dont elle avait besoin. Il fallait qu'elle découvre qu'elle avait des choses qu'elle pouvait faire. Ça prend du temps. Mais il faut qu'aussi que les gens qui viennent ici ne viennent pas pour faire du bien, mais pour entrer en relation. Ce qui est tout à fait autre chose. Ne pas être généreux, mais d'être révélateur de ta beauté. Ça veut dire de se prendre du temps pour écouter, prendre le temps pour jouer ensemble, faire des jeux, d'aller à la piscine où on s'entraide, enfin, peu importe. Ça marche et ça prend du temps de passer de la violence, de l'humiliation à la tendresse. C'est tout à fait autre chose. Donc je crois que quand on vit avec les personnes très faibles, la tendresse est le lieu de la communication. Il n'y a pas d'autre lieu de la communication. Avec ses cigarettes et sa barbe, là, il doit être assez coquet, avec sa chemise, son écharpe. Je sais pas si je le trouve beau, je le trouve plutôt quelconque. En fait, il bouge pas les bras quand il marche. Alors, la dame, là, je la vois plus. Je sais pas si elle est belle ou pas. Par contre, j'aime bien le chapeau de celle qui va passer, là. Le chapeau rouge, alors celle-là, elle a l'air très coquette, quand même, parce qu'elle a sorti ses gants avec son chapeau et avec sa fleur et avec son écharpe. Mais bon. Ah bah le monsieur nous regarde là. Et si c'était quelqu'un d'autre qui était là et que c'était vous qui marchiez, qu'est-ce qu'il dirait de vous? Comment il vous regarderait? Il dirait que je tends pas beaucoup les jambes quand même. Il dirait que je tends pas beaucoup les jambes et que ça balance quand même là-haut. Au niveau des épaules que ça... Hein, c'est droite... Je sais pas si c'est droite, gauche, ouais, c'est un peu laborieux, mais qu'au fond je me démerde quand même pas si mal que ça pour avancer et que j'avance. Je suis né comme ça, c'est un problème de système nerveux, et du coup ça fait que j'ai les jambes qui se tendent pas complètement, les pieds notamment qui sont toujours tendus en pointe, parce qu'en gros j'ai les muscles qui sont toujours un peu contractés en fait. Comment vous appelez ? Je m'appelle Marc. J'ai 23 ans. Je sais d'après mes parents que je tombais beaucoup. Je faisais quand même assez souvent mal. Après, il y a eu la possibilité de se faire opérer à l'hôpital Necker à Paris. Et puis voilà, l'hôpital, l'opération, et après... D'abord, c'est la douleur parce que. Enfin, je crois que j'ai jamais aussi mal de ma vie. Et après, de m'être retrouvé à La Clairière, au centre de rééducation de La Ferté-Macé, pendant un an. Et je suis revenu dans le CM2, je crois, avec les mêmes copains, dans la même classe, un peu comme si de rien n'était, quoi. Et c'était fini. Et là, vous marchiez normalement? Bah, c'est là le problème. C'est pas vraiment, non. Et surtout que moi, enfin, je pense que j'ai cru au départ que ça allait le faire, que pour moi, je partais pour marcher normalement et que j'allais être normal après. Bon, c'était quand même... Si, il faut reconnaître que c'est quand même bien mieux depuis, mais c'est vrai que j'allais toujours pas être le king du football dans la cour de récré, donc ça s'est fait tardivement quand même. L'acceptation, parce qu'en vrai, jusqu'à 20 ans, ça allait pas. Il y a toujours eu une frustration et une rage en fait. Parce que. En vrai, ça ronge quoi. Je vais trébucher, je vais lâcher un truc avec la main gauche, me casser la gueule bêtement. Tous ces trucs-là, ça. Ça ronge la confiance en soi, quoi. Ça donne un sentiment de vulnérabilité, en fait, tout le temps. On va se voir marcher dans un miroir. Par exemple, même l'année dernière, j'avais pas trop aimé. On avait fait une session télé à l'école de journalisme. J'avais pas trop apprécié de me voir marcher à la télé, donc je sais que ça, j'éviterai de le refaire, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous avez vu marcher ? Ben, je me suis demandé si je marchais vraiment comme ça, en fait. Puis après, en rentrant chez moi, voilà. En vrai, je me suis mis vraiment très, très en colère. J'ai foutu un coup de poing dans un mur, je me suis pété le poing, quoi. À tel point, je sais pas, ça m'a rendu vraiment furieux, quoi. Mais contre quoi, contre qui, j'en sais rien. C'est juste moi, je pense, qui est pas réussi à l'avaler, quoi. J'ai quand même toujours traîné un sentiment de vulnérabilité et de faiblesse, ouais. De faiblesse, d'infériorité. Voilà, c'est de se dire que ça changera pas, en fait. Il n'y a pas un jour où je serai normal, en fait. Enfin, il n'y a pas un jour où je marcherai correctement, comme... Voilà. Mais en tout cas, je pense que j'ai compris que... Enfin, qu'il y avait du temps, que j'étais beaucoup plus libre en fait que ce que je pensais au départ, parce que je pensais que j'étais en fait complètement condamné par ce truc-là, que j'étais défini que par ça. Faut apprendre à soigner cette douleur-là, qui est tout le temps là, mais que c'est possible de la contrôler en fait. Parce que voilà, le problème, ça a toujours été que je voulais être champion de je sais pas quoi, le meilleur de je sais pas truc. Je pense que ça aussi, le fait de se retrouver assez vulnérable et tout, on a toujours envie, de manque de reconnaissance de ouf et tout. Et le petit socle sur lequel on pourrait se dresser, un peu d'insouciance ou quoi, 23 ans, bah on l'a pas, quoi. J'ai pas eu ce passage, j'ai pas senti mon invulnérabilité qu'ont les garçons à mon âge, voilà, c'est ça par contre, oui, c'est sûr, mais bon. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plutôt fier, en fait, et heureux de ce que j'ai fait, et je le traîne plus comme un boulet que j'avais avant. J'ai couru des triathlons, je suis très fier des études que j'ai faites, parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup d'handicapés qui font des études supérieures. Problème de confiance en soi, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent que, bah, comme pour toute chose, ils ne sont pas faits pour. Je me dis, putain, au fond, je me traînais ça comme un boulet, mais au fond, je suis quand même très fier de ce que j'ai fait, quoi. J'aurais envie de parler aussi de l'évolution de François d'Assise. Il voulait être quelqu'un de très fort. Il voulait être un chevalier, avec un cheval, et puis avec toutes les jeunes filles d'Assise qui couraient après lui. Et puis, il a été prisonnier pendant un an. Et puis, 2 ans de maladie mentale. Alors, de la grandeur, de la puissance, d'être honoré, 2 ou 3 ans où il a découvert qu'il n'était rien. Il a touché ce qui est de plus bas en lui, sa propre pauvreté, l'angoisse. Et il a vu une bande de lépreux, un groupe comme ils étaient, et il a senti à l'intérieur de lui qu'il devait aller avec eux. Il a passé du temps. Quelque chose a changé en lui. Parce que quand il rencontre les lépreux, il entend un monsieur qui parle de ce qu'il a vécu. Il raconte comment il a été mis à la porte, comment on l'a rejeté. Et François a dû dire, « Mon Dieu, ce sont des êtres humains, et comment est-ce qu'on fait ça ?» Et puis il dit, « Quand je les ai quittés, il y avait une nouvelle douceur dans mon corps et dans mon esprit. » Donc, quelque chose s'est passé, les peurs qu'il avait ont commencé à tomber. C'est pour ça que si je parle de François d'Assise, chevalier, on a tous un idéal. Et toi aussi, tu dois avoir un idéal de ce qui doit être bien, etc. Et tout ce qui monte peut être l'opposé, ça gêne. Ça commence avec un gêne, mais ça devient une peur. Peur de quoi? Peut-être de sa propre défiguration. Sa propre mort, peut-être. J'ai rencontré quelqu'un. Ouais, j'ai rencontré quelqu'un. J'avais 30 ans, 30... non, j'avais 32 ans. J'ai rencontré un garçon un peu plus jeune que moi. On s'est plu. Et on s'est un peu plus connu. Je m'appelle Anne. Et lui s'appelle Tony. Bon, en fait, c'était une personne que je le connaissais depuis à peu près 2-3 semaines. Et je savais qu'il était un peu gêné, il avait une démarche un peu bancale, enfin si on peut dire. Il avait une démarche un peu bancale, et donc quand on a dormi ensemble, j'ai vu qu'il se cachait un peu. Je pensais qu'il avait donc une jambe un peu abîmée. Et puis, une nuit, son corps était découvert. Et j'ai vu en fait qu'il avait une jambe amputée, très amputée, au-dessus du genou. Et donc j'étais vraiment surprise, sûrement surprise. C'était impressionnant, mais c'était pas repoussant non plus. Mais voilà, j'ai compris pourquoi il était cette espèce de gêne qui existait et que je respectais. Et je n'avais jamais imaginé qu'il avait une jambe amputée. Ce que je dois dire aussi, c'est que cette relation, pour moi, elle n'était pas sérieuse au début. C'était sympathique, mais pour moi, ce n'était pas une relation pour durer. Il était beau physiquement, on passait du bon temps, mais c'est tout. Et en fait, c'est quand j'ai découvert ce handicap, quand j'ai vu sa jambe, je l'ai vu autrement. Je pense que ça m'a émue aussi, et que mes sentiments ont changé pour lui aussi. Ça m'a fait l'aimer. J'ai trouvé beaucoup plus touchant. Et ensuite, vous êtes restés ensemble ? Ah oui. On est restés ensemble, on a eu 2 enfants. Ensemble. Et c'est pas facile de vivre avec une prothèse, et quelquefois il y a des blessures, il y a des grandes difficultés à marcher, à s'appareiller le matin, selon il peut y avoir des ampoules, des frottements. C'est vraiment dur de vivre ce handicap. Il y a beaucoup, beaucoup de... Bon, voilà, c'est très dur, chaque jour. Mais c'est sûr qu'il avait toujours une façon de faire pour qu'on ne remarque pas qu'il boitait. Il y avait une fois, au bord de la piscine, ben oui, c'était... J'avais pas compris. Moi, je pensais qu'il était plus libre que ça, surtout qu'il y avait presque personne. Il y avait 1 ou 2 personnes au bord de la piscine. C'était dans un hôtel. Et puis, j'avais pas compris. Il fallait que je l'aide. Je le connaissais depuis peu de temps. Et il fallait que je l'aide, mais j'ai pas compris. Et il s'est mis dans une colère sourde, fermée. Hein. Il n'a pas exprimé, mais il m'a pas parlé pendant des heures. J'avais pas compris parce qu'en fait, je l'avais mal aidé et il avait été trop visible. Pendant un moment, il aurait fallu que j'aille tout au bord de la piscine pour pouvoir l'aider, récupérer sa prothèse et tout. Après ça, j'ai compris comment ça marchait. Il était en colère, il était fermé. C'était une rage, une... Là, j'ai compris la douleur, sa douleur. Et il était tout le temps en alerte sur ne montrer, enfin, ne pas montrer. Ouais. Peut-être à la maison, plus tranquille, finalement, avec notre petite famille, avec moi et puis nos enfants. Les enfants, ça, c'était... Il se montrait devant eux, il les prenait même. Ça, c'était. Le matin, il était obligé de mettre sa prothèse, évidemment, pour se déplacer. Et comme c'était un peu long à faire, il pouvait pas prendre les enfants, marcher avec eux tout de suite. Alors donc, il restait assis. Il mettait son bébé entre ses 2 cuisses. Et puis, il avançait un peu en rampant sur ses fesses, quoi. Moi, ça m'a beaucoup émue de voir, de le voir se déplacer comme ça avec son enfance. Justement, d'avoir oublié sa pudeur. Mais oui, c'était étant donné tous ces moments, toute cette vie où il se cachait. Là, c'était magnifique à voir. Oui, c'était émouvant. Une autre chose qui m'a émue de lui, c'est que je lui avais posé la question de connaître ses rêves, s'il rêvait. Et il m'avait répondu qu'il rêvait souvent qu'il courait. Il rêvait qu'il courait et c'est évidemment, c'était le rêve. Pour lui. On dirait que je serais mort, et pour de faux, Et toi, princesse couverte d'or, tu voudrais m'embrasser pour de vrai. Je serai un prince de château, venu près de toi pour te marier. On dirait que je serais mort. Et toi, tu m'embrasserais encore. On serait beaux tous les deux. On serait beaux comme des dieux. Et notre amour irait jusqu'aux cieux. On dirait que tu m'aurais réveillé. Et ma vie te serait tout illuminée. Tous les animaux dans la forêt, nos accompagnants chanteraient. Les louanges de petits princes coureurs dans notre château. En nous montrant que la vie est mince, qu'il faut l'utiliser de bas en haut, on dirait que je serais mort, mais nos jeux d'enfants sont les plus forts. On s'embrasserait en nous promettant des paradis parfaits. Ouais, faut que je parle maintenant. Ah oui, donc ce qui pour moi est remarquable par rapport à l'acromégalie, c'est ma photo de permis de conduire. Parce que je ne me reconnais pas sur la photo de mon permis de conduire. Voyez, je vous la montre. J'ai vraiment l'impression d'être une autre personne. Même si je sais que c'est moi, évidemment. Les traits sont plus fins, entre guillemets, je pourrais presque me trouver un peu plus beau sur cette photo que ce que je suis maintenant. Pour moi, là, je me sens beaucoup plus beau que maintenant. Vous aviez quel âge ? J'avais 18 ans. Vous êtes même très beau. Merci. Qu'est-ce que je pourrais dire à d'autres ? Parce que c'est assez difficile quand même. Moi, mon visage, je ne saurais pas le décrire. Pour moi, j'ai une grosse tête. Avec pas beaucoup de cheveux sur le dessus. J'ai toujours eu un large front. Et après, le reste, mon nez est beaucoup plus gros et beaucoup plus empâté. C'est ce que je vois par rapport à la photo que j'ai là. Donc, mais après, voilà, c'est une image de moi que je ne vois pas. Je ne me regarde pas. Vous ne vous regardez jamais dans le miroir ? Si, mais je ne me vois pas. J'essaie de pas faire attention à ce que je peux être et pas essayer de trouver l'élément qui va me dire t'es pas beau, t'es laid, t'es moche, voilà. Parce que c'est ce que vous pensez. Oui, totalement. Moi, ce que je voudrais être, c'est être Brad Pitt, mais tout le monde veut être Brad Pitt, hein, donc moi, si j'étais Brad Pitt, je serais le plus heureux des hommes. Hein. Mais je suis pas Brad Pitt. Je m'appelle Olivier. Déjà, moi, je me considère comme quelqu'un de malade et d'un peu monstrueux avec mes difformités. Je sais bien que j'aurai toujours ce physique qui ne changera pas et qui sera celui d'un malade atteint d'acromégalie. Le mot monstre, maintenant, est un peu fort, vu que je vis une histoire d'amour. Il y a ça aussi qui fait que ça change tout, quoi. Un jour, je suis arrivé dans un lieu de grande consommation et je me suis arrêté devant un magasin. Et j'ai vu cette femme et je me suis dit, il faut absolument que je la rencontre. C'est un peu comme dans les contes de fées où on se dit c'est la personne qu'on recherche. Et je passais plusieurs fois avec mon caddie et puis je passais du temps à la regarder. Et puis un jour, j'y suis allé. On a commencé à discuter, je me suis intéressé à ce qu'elle faisait. Petit à petit, on a commencé à se dire « tu ». Après, on s'est appelé par notre prénom. Et puis, on a passé du temps ensemble. Un jour, elle me l'a dit. Elle me dit, mais oui, moi, je t'aime. C'était un jour où je lui ai amené une rose. J'ai voulu lui tendre la rose et c'est elle qui m'a embrassé le premier. Sur la bouche. crois que le cœur a éclaté. J'étais juste heureux. Et alors là, je me suis dit, mais elle s'est rendue compte que c'était moi. Que c'était moi avec mon corps tout bizarre et mon visage tout bizarre aussi. Elle m'a dit, mais c'est toi que j'aime. C'est une princesse parce que c'est comme une princesse dans une tour. C'est-à-dire qu'au départ, elle était inaccessible. J'ai essayé de la conquérir. Et ben, au final, j'ai réussi quand même à la conquérir. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, donc c'est déjà... C'est bien. Il y a toujours des moments où on se dit, mais il y a un moment, elle va se réveiller, c'est pas possible. Et elle me dit, mais juste, je t'aime parce que c'est toi. Et c'est impressionnant, quoi. Quand on prend ça en pleine figure, c'est impressionnant. On dirait que je serais mort, mais pour de faux. Et toi, princesse couverte d'or, tu voudrais m'embrasser, pour de vrai. Je serais un prince de château venu près de toi pour te marier. On dirait que je serais mort et toi, tu m'embrasserais encore. On serait beaux tous les deux, on serait beaux comme des dieux, et notre amour irait jusqu'aux cieux. On dirait que tu m'aurais réveillée et ma vie te serait toute illuminée. C'était Beauté cachée. Je suis convaincu que la beauté doit sauver le monde. Et finalement, la beauté, qu'il soit dans la musique, ou peu importe, les peintures, enfin, ou la beauté des grandes vues de notre monde, finalement, ça doit ramener à ce silence et cette rencontre où je rencontre l'autre. Parce que la plus grande beauté se cache dans le cœur humain. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont un trésor à l'intérieur d'eux. Jeanne Metzger, Lou Jeanne et sa mère Anan, Dr Frédéric Zazurka, Clémence et sa mère, Marc Van der Hoot, Anne, Olivier et Jean Vanier. Merci à Flora, Anaïs et Mathéo. Merci aux enfants de l'école Saint-Méry, à Chantal Kaelin, Hélène Valencien et Anne Laforge. Merci à Virginie Fayard et l'ensemble des soignants du service de chirurgie maxillofaciale de l'hôpital Necker. Merci à Catherine Lançon et l'association Acromégale Pas Seulement, à Didier Mauger, Jean-Michel Dubois et Sabine Contry. Prise de son Yann Fressy et Benjamin Thuot. Mixage Éric Boisset. Un documentaire d'Élise Andrieux réalisé par Diffy Mariani. LSD, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez voir La Beauté Cachée, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour Le Prince Charmant ou nous réécouter devant le miroir, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr.